Kumitungisa na yote longola kaka kobanga bisengwe ya kana tongo mbapasie kosila kaka jour moninga malamu de Yesu akobango sapisoli na yo ata motema ezoki tombola mongongo petatola na yebi na kolonga na yebi nga ina kokoma arata kopa si eleki elonga ezali na Yesu na kokoka na Yesu nga ina kolonga arata kopa si eleki elonga ezali. T'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car y a un ami nommé Jésus qui essuie toutes tes larmes. Même si ton cœur est vraiment troublé, lève les mains et déclare. Je réussirai, je sais que je résisterai, quoi qu'il arrive. Ma vie est entre ses mains, avec Jésus je tiendrai, avec lui je résisterai, quoi qu'il arrive. Ma vie est entre ses mains. Minyoko ewumeli na libota na ngaye na leli na beleli yo Yahweh Yahweh Yahweh itisa